smooth. Ouais, ouais, comme t'as jamais vu. Yoni Willy Willy Yoni. Je sais pas trop ce qui m'arrive. J'ai l'impression que je suis trop naïf. C'est dans les eaux troubles que je navigue. Que dans les eaux troubles que je navigue. Ah nana, ils disent Gizmo, moi je dis la mine. Y'a que de l'argent que je dis la pipe. Dans ma cervelle y'a de la dynamite. Maman fait que prier, je dis amen. Et j'ai mes petits frères qui pètent une durée. Cannabis et test de rien. Tous les jours on ne fait que Jeffrey. J'ai peur que des mecs me fusillent, oh no. Pour ôter la vie ça coûte pas très cher. T'auras pas ce que j'ai si t'es pas déter. Une balle dans la tête ou un cathéter. Beaucoup d'inquiétude quand je parle à mes frères. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on vit. C'est comme ça qu'on se sait. C'est jamais ce qu'on se dit. Secret, secret. On se connaît à peu près. Secret, secret. Jamais raconter nos regrets. Je sais pas trop ce qui m'arrive. J'ai l'impression que je suis trop naïf. C'est dans les eaux troubles que je navigue. Que dans les eaux troubles que je navigue. Oh là là, je sais pas trop ce qui m'arrive. J'ai l'impression que je suis trop naïf. C'est dans les eaux troubles que je navigue. Que dans les eaux troubles que je navigue. Ah na na, ils disent Gizmo, moi je dis la mine. Y'a que de l'argent que je dis la pite. Dans ma cervelle y'a de la dynamite. Maman fait que prier, je dis amen. Et j'en ai marre de cogiter, j'ai des problèmes avec le silence. Mon banquier a la voix douce quand je vais compter mes finances. J'ai sorti le 999, t'as appelé le 911. Tu parles pas de mon frère et tu parles pas des autres. Et surtout tu parles pas de WAM. Non, non, réveille pas mon renard. Et n'écoute pas les rumeurs. J'ai jamais fait le crevard. Et pourtant je dormais dehors. Je fais que dire des gros mots. Comme si j'ai Gilles de la Tourette. J'ai ma tise et ma boulette. J'ai mon clic et ma roulette. Laissez-moi tranquille, je suis pas d'humeur. Et j'ai plus envie de croire en l'amour. Insulte ma daronne et voilà tu meurs. Avec tout ça moi j'ai pas d'humour. On soulève les motos comme à Baltimore. Depuis adolescent moi je tiens les murs. Un peu de joie, beaucoup de peine. On verra quand je serai mort. C'est comme ça qu'on rit. C'est jamais. C'est pas trop ce qui m'arrive. J'ai l'impression que je suis trop naïf. C'est dans les eaux troubles que je navigue. Que dans les eaux troubles que je navigue. Oh là là, je sais pas trop ce qui m'arrive. J'ai l'impression que je suis trop naïf. C'est dans les eaux troubles que je navigue. Que dans les eaux troubles que je navigue. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on vit. C'est comme ça qu'on se sait. C'est jamais ce qu'on se dit.